Okay. Mais le man est dans la place, hein, avec un flow fracasse, hein, la concurrence se cache, hein, tu clashes mais tu payes cash, hein, ouais t'es super lassant, ton rap mis menaçant, hein, jamais tu parles en face, non, tu craches, on veut sa classe, hein. Mais le man est dans la place, hein, avec un flow fracasse, hein, la concurrence se cache, hein, tu clashes mais tu payes cash, hein, ouais t'es super lassant, ton rap mis menaçant, hein, jamais tu parles en face, non, tu craches, on veut sa classe, hein. Ok, j'ai peut-être coupable de faire du rap de qualité, au moins je suis capable de montrer certaines capacités que j'ai pour écrire, j'ai une certaine facilité, j'assemble les mots sans plonger dans l'imbécilité. Jamais tu ne verras rien qu'un soupçon de vanité. Dans mes sons parfois je déconne, mais je prône la vérité. Je m'assois pas sur un trône sans être sûr de mériter. Moi au moins je sors du lot de tous ces cons et leur banalité. Quand j'écoute du rap, quelquefois je suis dégoûté. Je me dis mais quelle idée ce mec a eu de faire ce couplet. Et je vois qu'il y a du monde qui le soutient, ça me fait douter. De nos jours qui cherche encore vraiment du bon rap français. Tu fais style devant ta clique, tu fais du rap à la rap. Et t'appelles ça de la zig, mais c'est du rap à l'arrache. Les rimes sont faciles, tu fais du rap à l'arrache. Pour ma part, je fascine, mais n'est pas l'arrache. Mais le man est dans la place, hein, avec un flow fracasse, hein, la concurrence se cache, hein. Tu clashes, mais tu payes cash, hein. Ouais, t'es super lassant, ton rap tu m'y menaces, hein. Jamais tu parles en face, non, tu craches, on veut sa classe, hein. Mais le man est dans la place, hein, avec un flow fracasse, hein, la concurrence se cache, hein. Tu clashes, mais tu payes cash, hein. Ouais, t'es super lassant, ton rap tu m'y menaces, hein. Jamais tu parles en face. Non, tu craches, on veut sa classe, hein. Tu négliges ton image, tu fais du rap à la rage. Tu joues les fous, garçon sage, mais t'es où dans les parages. Quand ça classe, quand ça sable, quand ça faille, t'as coup de patate. Toi tu tapes, puis tu tailles, en clair mon frère, tu t'arraches. Les trois quarts de ce que tu brailles, c'est de la merde, c'est de la merde. Ta mère t'a jamais dit, quand on ne sait pas, on se la ferme. Plus je t'écoute, plus je baille, man ton rap m'exaspère. Ton prochain freestyle, fais-le en braille s'il te plaît. Tu te la pètes dans tes textes, tout est faux. Gros mytho, du silicone dans ton flow et même tes faces sont. Aujourd'hui c'est tellement rare de voir un mec qui reste honnête. C'est peut-être difficile à croire, mais je suis de cette espèce. Mais le man est dans la place, hein, avec un flow fracasse, hein, la concurrence se cache, hein. Tu clashes mais tu payes cash, hein. Ouais t'es super lassant, ton rap tu m'y menaces, hein. Jamais tu parles en face, non, tu craches, on veut sa classe, hein. Mais le man est dans la place, hein, avec un flow fracasse, hein, la concurrence se cache, hein. Tu clashes mais tu payes cash, hein. Ouais t'es super lassant, ton rap tu m'y menaces, hein. Jamais tu parles en face, non, tu craches, on veut sa classe, hein.